الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد طيب نواصل في قراءتنا في هذا الكتاب على كما تعلمون نحن toujours dans ces أيام التشريق جور التشريق jusqu'à Radan, Inch'Allah, ces jours lors duquel, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il y a ayam aklin wa shurbin wa zikrin lillah. Ce sont des jours de manger, de boire et de rappel d'Allah. Donc je pense que, alhamdoulilah, les gens mangent, les gens boivent, et là, on prend la part du zikr. Bismillah ta'ala. Car le zikr, ce n'est pas forcément les takbirat que l'on fait. Les mutlaqa, le muqayyida, les mutlaqa, c'est celles qu'on dit lorsqu'on dit à la akbar, quand on veut, comme on veut. Et les muqayyida, c'est celles qui sont rattachées au salawat. Et on fait beaucoup de zikr pendant ces jours-ci. Et min a'zam zikr, al-ilm, parmi les plus grandes formes de rappel, bien sûr, le savoir. Allazi nahnu fihi, biznillah ta'ala. Fa fi akhir dars, akhazna hadithain an صفتين من صفات الله عز وجل. On a pris deux hadiths concernant les attributs d'Allah. On a pris deux, c'est ça ? Ma huma ? Ahsante ? Naam. On avait pris les hadiths qui parlent de l'élévation d'Allah Azzawajal, son attribut. Allah Azzawajal est au-dessus des cieux, et celui que le Coran est sa parole. Ah, il y avait une chose, j'avais dit, je pense que les gens qui juraient sur le Coran de la Mecque, comme ils disent, il y a une autre hypothèse, c'est qu'ils imaginent que le Coran qui est à la Mecque, il est peut-être plus sacré qu'un autre. Il y a ça aussi, me dit, c'est possible, comme hypothèse. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas bon, ça reste toujours le fait de jurer sur une créature. Et cela n'est pas permis. اليوم نأخذ حديثا معروفا مشهورا يتكرر كثيرا في دروسنا. Mais il est tellement important, incontournable, indispensable et mufid. C'est le hadith Maratib al-Din, qui sont les échelons de la religion. C'est le fameux hadith de Ah. Tu peux répéter ? Le hadith des échelons de la religion. C'est un hadith, on le cite. Je crois à chaque fois qu'on est chez nous, on a fait ders, ce hadith-là, il est passé dans un ders qu'on a fait. C'est qu'un hadith qui revient souvent, c'est hadith d'Yurid. Voilà, c'est ça. Okay. Donc c'est celui-ci. Donc Inch'Allah, on va le citer en résumé, Bismillah ta'ala. Mais il y a toujours besoin de le citer car c'est un grand rappel pour nous. فيقول مراتب الدين c'est-à-dire les échelons de la religion les étapes les niveaux de la religion تمام يقول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اصطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتي الى ركبتي ووضع كفي على فخذي فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت استطعت إليه سبيلا قال صدقت قال فعجبنا له يسأله يصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما مسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أمارتها قال أن تلد الأمة وربتها وأن ترى الحفاء الغراء العالة رعاء الشاء يتطولون في البنيان قال ثم انطلق فلبثت مليان ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم Rawahu Muslim. Donc dans ce hadith qui est rapporté par Omar ibn Khattab, il a dit, alors que nous étions auprès du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'un jour, lorsque nous est apparu un homme dont les vêtements étaient d'une grande blancheur et les cheveux d'une grande noirceur intense et les vêtements d'une blancheur éclatante et qu'on ne voyait sur lui aucune trace de voyage et que personne d'entre nous ne le connaissait. Il s'est assis auprès du Nabi sallallahu alayhi wa sallam et a collé ses genoux contre les siens et a posé ses mains contre ses cuisses, c'est-à-dire ses propres cuisses à lui, cet homme-là, à la Sahih. Et il a dit, « Ô Mohammed, informe-moi de qu'est-ce que l'islam ?» Et là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, « L'islam, c'est que tu attestes de la ilaha illallah, et que Mohammed est le message d'Allah, que tu accomplis sa salat, tu t'acquittes de la zakat, tu fasses le siyam de Ramadan, et que tu fasses le hajj vers la maison sacrée, si jamais tu le peux. » Il a dit, « Tu as dit vrai. » Et de là, nous avons été surpris car il interroge et après il le confirme. Après, il a dit, et informe-moi à propos de la foi. Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, que tu crois en Allah et en ses anges et en ses livres, en ses messagers et au jour dernier, que tu crois au destin qu'il soit bon ou mauvais. Il a dit, tu as dit vrai. Après, il a dit, informe-moi au sujet de Al-Ihsan, l'excellence. Il a dit que tu adores Allah comme si jamais tu le voyais. Si jamais tu ne le vois pas, sache que lui te voit. Après, il a dit, informe-moi au sujet de l'heure. Il a dit, le questionné n'en est pas plus savant que le questionneur. On ne sait pas plus que le questionneur. Il a dit, informe-moi de ses signes. Il a dit que l'esclave met au monde sa maîtresse, que tu vois les va-nu-pieds dénudés, pauvres et bergers de troupeaux se concurrencer dans l'élévation d'édifices. Puis s'en est allé. Je restais un instant, et là le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, « Oh Omar, sais-tu qui est le questionneur ?» J'ai dit, « Allah et son messager, son plus savant, il a dit, c'est Jibril qui est venu vous enseigner votre religion. » Rapporté par Muslim. Wa ma arzama adal hadith. Donc au premier lieu, le rapporteur c'est Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, Ibn Nufayl al-Qurashi, al-Adawi, أمير المؤمنين أحد السابقين الأولين أحد العشرة المشهود له لهم بالجنة. Donc c'est Omar ibn Khattab, comme vous le savez, qui était le chef des croyants à son époque, quand il a été gouverneur, qu'il est parmi les gens qui se concurrençaient à aller dans le bien. Il est parmi les 10 promis au paradis. À la base, tous les sahabas sont promis au paradis, mais 10 ont été cités communément dans un même hadith. Il est le deuxième des califes bien guidés. Il est rentré en islam en la 6e année de la prophétie et il avait 27 ans à ce moment-là. Et d'ailleurs, Omar ibn Khattab, quand il s'est converti à l'islam, il a dit « Qui donc est celui qui parle le plus dans Quraysh ?» On va dire la plus grande commère. Ils ont dit « A-t-elle ?» Il est parti le voir, il a dit « Eh, je suis entré dans la religion de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. » Dans le sens, vas-y, va le répéter maintenant. Et après, l'autre est parti direct répéter. C'était une commère. Et de là, les gens sont révoltés. Ils sont venus pour essayer de dissuader Omar par la force, par la violence. Malheureusement, ils sont tombés sur Omar. Pour leur faire comprendre, en fait, Omar, son islam, du début à la fin, c'était que de la force. Dans le sens, quand il s'est converti, il a mis les gens au défi. Faire comprendre, je suis musulman maintenant. Donc personne ne pourra rien faire, je suis avec Mohammed. C'est lui qui n'est pas content, mais qui vient de me le dire maintenant. Et les gens sont venus, d'accord, et il a passé une bonne partie de l'après-midi à se battre avec eux. Mais personne ne l'a fait plier. En fait, il a mis les points sur le i depuis le début, avec les gens. Il y en a, c'était plus faible que lui, parce que Omar était connu depuis le début pour être un homme fort. Depuis avant l'islam, c'était un homme qui était craint, qui était redouté. D'ailleurs, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Allahumma a'iz al-islam bi ahab rajulayn ilayk » Omar al-Khattab ou Abu Jahl. Il a dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, « Oh Allah, renforce les muslimines par l'un des hommes, par l'un des deux hommes que tu préfères. » C'est-à-dire que l'un des deux que tu préfères rentre en islam, soit Omar ibn Khattab, ou soit Abu Jahl, car c'était les deux qui avaient vraiment de la force chez les Quraysh. Et Allah azza wa jal, c'était Omar qui préférait. C'est Omar qui était choisi, et bien sûr, il a été une force pour l'islam du début à la fin. Donc depuis qu'Omar est rentré en islam, ça a même été un réconfort pour les musulmans d'avoir un homme aussi fort que lui auprès d'eux. السبب. D'ailleurs, le Ibn Mas'ud, Mazalna Aizzatan Mundu Aslama Omar. Nous avons cessé d'être en force et en gloire depuis que Omar est rentré avec nous. Apporté par le Bukhari. Ensuite, il a fait la hijra à Al-Medina avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et il a participé à toutes les batailles. Toutes les batailles, il était là. De Badr jusqu'à la dernière du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, après Abu Bakr, il était le deuxième calife des muslimines, comme vous le savez. Et son gouvernat a duré à peu près 10 ans. Et il est mort, assassiné, par un qui s'appelle Abu Lu'lu, Al-Wahshi. Alors qu'il faisait Salat al-Fajr, il a fait le takbir, cet homme est venu et l'a poignardé. D'accord, il l'a poignardé. Donc, c'était un martyr. D'ailleurs, il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il faut le monter sur la montagne de Uhud. Il y avait lui, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il y avait Abu Bakr, il y avait Omar, et il y avait Othman. Et Uhud, Ahtazza, s'est mis à trembler. Il a dit Ihda ya Uhud, finnama alayka nabiyan, wa siddiqan, wa shahidain. Il a dit à Uhud de s'apaiser, il n'y a sur toi qu'un prophète, un véridique et deux martyrs. Le prophète c'était qui? C'était lui le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le siddiq c'était qui? Abu Bakr. Et les deux shahid c'était qui? Omar et Othman. Ça prouve que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait déjà prophétisé cela, que ça allait arriver. Donc Omar a été assassiné. Et il a même dit qu'il était tellement poignardé que lorsqu'il buvait du lait, ça ressortait par le trou de ses blessures. Et une chose, il était sur le lit de sa mort. Et un jeune homme est venu auprès de lui avec le vêtement qui traînait sous les chevilles. Il était sur le, Omar était dans les affres de la mort. Il lui a dit il farfobek feinu athar wa atqali rabbik. Il lui a dit lève ton vêtement car celui est le plus pur et le plus pur auprès de ton Seigneur. Donc pensez-vous que Omar ibn Khattab va penser à dire une telle chose pour une chose qui serait secondaire ou qui serait juste makrouh alors qu'il est en train de mourir? Il voit un enfant, enfin un jeune, et il lui fait ce rappel-là. Pour les gens qui disent c'est rien, c'est secondaire. Ce qui prouve que cela est parmi les obligations de la religion, selon la vie authentique. Ce n'est pas juste makrouh, c'est que c'est parmi les kaba'ir que d'avoir le vêtement qui traîne sous la cheville, et c'est encore pire parce que la personne le fait par orgueil. D'accord ? C'est pas une chose, c'est pas une épluchure, c'est pas une chose secondaire, c'est pas optionnel. C'est parmi les choses interdites. Et le musulman, il prend la religion, ce qui est interdit, il le délaisse, ce qui est obligatoire, il le fait. Entre autres, s'habiller correctement dans les règles. Et Omar ibn Khattab radiallahu anhu a déjà coïncidé avec le wahid d'Allah azawajal dans trois situations. Une qui concerne le maqam d'Ibrahim, je ne me rappelle plus du fait. Quelqu'un s'en rappelle? Deux pour le hijab. Car une fois, un soir, Saouda était sortie de chez elle, parce que le soir, ils n'avaient pas de toilette dans les maisons. Donc les gens sortaient le soir, dans l'obscurité. Et Saouda était sortie pour aller aux toilettes. Mais dans l'obscurité, Omar l'a reconnu. Il lui a dit, on t'a reconnu à Saouda. Et après, il a dit au Nabi sallallahu alayhi wa sallam, tu devrais couvrir tes femmes. Et de là, peu de temps après, les versets sur le hijab sont descendus. Et même en plus, ce verset-là, cette compréhension-là, amène à montrer l'obligation de couvrir même le visage. Car, même si c'était juste ce que les gens considèrent comme étant un voile sur la tête, on le reconnaîtrait pareil. Alors que le but, c'est qu'elles ne sont pas reconnues. Du tout. D'accord ? Et par la suite, Allah a fait descendre le hijab. Et troisième situation, où Omar a considéré que le wahi en avance, c'était par rapport au prisonnier de Badr. Qu'il a été dit, il a eu un choix, est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam les prend en otage en échange d'une rançon, ou alors qu'il soit exécuté. Et Omar a dit qu'il soit exécuté. Et Abou Bakr Siddiq, voilà qu'on les prenne en échange d'une rançon. Et c'est Omar qui a vu juste. Et le wahi est venu pour confirmer ce qu'Omar avait dit. L'Avan, et Mahia. Pourquoi c'est lui qui aurait conseillé au prophète Salam de faire un Avan? Il saute. Non. Parce qu'au début, le Sahaba s'était réuni pour savoir comment faire l'Avan. Certains ont dit de prendre un corps. C'est la façon dont les Yahoud faisaient leur appel. dont on dit la cloche, la façon dont les Nassara faisaient le rappel. Et Omar a dit le saut. Et là, le Nabi Samuel a dit ça. Comme Bilal ou Azin. Il a dit à Bilal, lève-toi, il fait l'azan. Et pareil, c'est Omar qui avait dit avec la voix humaine. Et c'est lui également qui a mis le Tali Hijri. Après la mort du Nabi Sallam, ils ont choisi une date pour les musulmans, c'est à compter à partir de la Hijra. Et c'est Omar qui l'a décrété. Et Omar a ouvert plein de pays par la suite, lors de son califat, jusqu'au Chem, en Égypte. Il a fait beaucoup de conquêtes. Et il avait un califat qui était très juste, méticuleux. Il était soucieux de rendre le droit à chacun. Un grand homme. Le meilleur des hommes après Abou Bakr, c'est-à-dire, en dehors des prophètes. Et physiquement, c'est un homme imposant et corpulent également. Voilà, Omar, il sera à notre époque. Allah, il verrait dans quel hell on est. Je ne sais pas ce qu'il dirait de nous. Voilà. Déjà, les gens, ils aiment bien dire Omar, il frappe avec son bâton. Il n'aura plus de bâton, tellement il aura frappé des gens. Il n'aura plus de bâton, là. Tellement il aura frappé des gens, parmi ces gens qui parlent pour rien, le djel qu'il y a, Allah, je ne sais pas ce qu'il. Parce que tu en as payé sa fille à Omar, il dit Omar, il est innocent de vous, il serait là, mais il ne serait même pas avec toi. Tu vois. Il ne serait pas avec vous, il ne vous regarderait même pas, cet homme-là. Lui ou d'autres, sahab. Mais lui, il était connu comme étant l'un des plus apparents, les plus fermes en religion. Donc pour en arriver au hadith, les sahaba étaient en voyage avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, donc dans le désert. D'où le fait que cet homme est apparu. Il apparaît avec une apparence propre. Pas de traces de voyage, cheveux noirs intenses, vêtements blancs éclatants. D'accord ? Donc ça les a surpris. En même temps, personne ne le connaissait. Un pur inconnu. Et il s'est rendu auprès du Nabi sallallahu alayhi wa sallam en s'asseyant d'une posture d'étudiant et de personne qui veut profiter de la science. Ça veut dire s'asseoir devant l'enseignant en collant ses genoux, en mettant ses mains sur les cuisses. Ça veut dire c'est une posture par laquelle tu es prêt à recevoir, concentré. D'accord ? Investi dans ce que tu vas dire, dans ce que tu vas faire. Et également l'apparence qu'il avait, une apparence propre. Quand tu viens dans les douloureuses, ce genre de choses, tu as une belle apparence autant que possible. Donc là, c'était un enseignement pour tout le monde, à travers cela. Et de là, il a interrogé le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, en disant, « Ma wa l'islam ?» Et de là, le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, l'a informé de l'islam qui est le khas, l'islam du Nabi, sallallahu alayhi wa sallam. Car l'islam, il y en a deux. Il y a l'islam général, celui sur lequel étaient tous les prophètes, là, c'est l'islam général, sur lequel étaient tous les prophètes, qui est la soumission à Allah par le tawhid, l'assujettissement par l'obéissance, et le désaveu du shirk de ces gens. Tous les prophètes et messagers étaient tous là-dessus. Et le khas, celui avec lequel est venu Mohammed, c'est celui-ci. C'est les deux attestations, et c'est les cinq piliers en fait. D'accord, les cinq piliers. Donc il l'a interrogé et le Nabi s'est mieux informé de cela. Puis, il l'a interrogé au sujet de l'Iman, la foi. La foi, la vraie foi. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens disent « j'ai la foi ». Où beaucoup de gens se disent croyants. Mais la foi qui est acceptée auprès d'Allah Azzawajal, la vraie foi légiférée, c'est celle citée dans le hadith. C'est de croire en Allah, dans son tawhid, fi rububiyatihi, wa fi uluhiyatihi, wa fi asma'i wa sifatihi, wa kullu ma ya'talaq bi shani Allah Azzawajal bin haqqihi. Tu ne crois pas en Allah partiellement, tu crois en lui totalement. Et tu crois en ses noms attributs, tels que lui-même s'est nommé et s'est décrit dans son livre et à travers la langue de ses messagers. Et que tu crois en ses livres, c'est-à-dire tous les livres descendus que les prophètes ou messagers, plutôt on va dire, ont apportés, ceux qui ont été nommés, ceux qu'on ne connaît pas. On croit que Allah a fait descendre des livres. On y croit en tous. Mais que le Coran, c'est le dernier qui a abrogé tous les autres. Et qu'également, les autres livres ont été falsifiés. Ont été altérés par la main de l'homme. Et que tu crois également au jour dernier, le jour où on rendra tous des comptes. C'est pour cela qu'on œuvre aujourd'hui en ce bas monde. Il y a une dunya dar amel, la hisab, ou l'akhira dar hisab, la amel. Ce bas monde, c'est le lieu pour agir. Il n'y a pas de compte à rendre vraiment. On va dire final. Final. Alors qu'après la mort, il n'y a plus d'acte en soi. C'est la remise des comptes finale. Donc c'est maintenant l'occasion. D'accord ? C'est maintenant l'occasion d'agir et se préparer à ce jour. Tout comme tu vois aujourd'hui des gens se préparer pour un imtihan, un examen quelconque de la dunya, eh bien nous, on devrait être encore plus ardu à préparer notre examen de l'au-delà. Dès maintenant. Et il commence dans la tombe. Bissouel. Man rabbuk, ma dinuk, man nabiyuk. Ça commence par les questions dans la tombe. Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Et qui est ton prophète? Ça commence là. Et ce jour-là, tu ne vas pas répondre avec ton hiv. Parce que les gens disent, ouais, c'est bon, j'ai appris, je vais le dire. Non, tu vas répondre avec le cirque de ton cœur. Avec le profond de ton cœur. Là, c'est ton cœur qui va parler. C'est plus de ta langue et ton cerveau, j'ai appris ça par cœur, j'ai appris sous salasa, j'ai appris le hadith. Non, ça va pas être là. Là, ça va être ta akida qui va sortir ton fond intérieur qui va ressortir, qui va s'exprimer à ce moment-là. C'est comme le hadith du Dajjal. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'il va venir, il a décrit comment il est. Mamsouh al-ayn, wa al-nisaniya mis al-inab. Il a un œil qui est borne et l'autre qui est petit comme un raisin sec. Et il écrit sur son front, kaf, fa, ra. Il écrit kafir sur son front. Les gens disent, c'est bon, on va le reconnaître. Et pourtant, il va amener beaucoup de gens avec lui. Et des gens qui connaissent le hadith. Mais à ce moment-là, c'est quoi? Tu ne vas pas lire avec tes yeux comme tu lis dans un livre. Ça va être ton hymen qui va apparaître à ce moment-là. Car il a été décrit, nettement. D'accord? Mais malgré cela, qu'il était décrit, les gens vont le suivre en masse. Et il sera la plus grande fitna qu'il ait jamais eu sur Terre. Donc les gens qui ne disent pas, j'ai appris, je connais. Non. À ce moment-là, ça va être quoi? Le profond de ton cœur qui va apparaître. Concrètement. Donc on croit au jour dernier, tout comme on croit au qadar, qu'il soit bon ou mauvais. C'est ce qu'Arzangel a décrété à l'avance dans sa création, de ce qui arrivera. D'accord? Et chaque chose arrivera comme il l'a décrété. Subhanahu wa ta'ala, et que rien ne se passe dans son royaume sans qu'il ne l'ait voulu. Là, on passe brièvement, parce que c'est des choses qu'on a déjà beaucoup répétées, et des choses qui à la base méritent de s'attarder. Nahnamshi, mashi an biznina ta'ala. Et qu'on croit également, j'ai oublié avant cela, en ses messagers. D'accord? Tous ces messagers. La nufarriqu bayna ahadin min rusuli. On ne différencie entre aucun de ces messagers, quoi que l'on dise que parmi eux, 5 sont meilleurs. Parmi ces 5, un est meilleur encore. C'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qui est le dernier messager envoyé à toute l'humanité. Kana an-nabiy yub'athu li qawmihi khassa wa ana bu'ithu lin-nas 'amma. Il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam parmi ses particularités que les prophètes étaient envoyés chacun à leur propre peuple en particulier, alors que lui n'est envoyé que à tous les hommes. Depuis sa venue, il a été envoyé pour toute l'humanité qu'on appelle Ummat. Adil Umma, comment on l'appelle? Celle à qui le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est envoyé. Ummat Mahada, c'est quelle communauté? Hein? Il y a deux communautés. Moi, je veux la générale. La générale? Ouais. Et tous ceux qui ont reçu l'appel, c'est pas le Nabi. Hein? Comment on les appelle? Ummat Aish. En arabe? Tu peux le dire en français si tu veux. Bah, je sais, comme je dis, il est quelle heure? Tu dis, ouais, il est l'heure. Tu m'as pas répondu, en fait. Tu vois? Bah, c'est Cette Oumma, la Dombal en particulier, quelle est-elle? Toi-même, tu as dit, il y en a deux. C'est tout le monde. Il y en a deux. Ah, c'est tout le monde? Oui, d'accord, c'est tout le monde, mais comment on appelle c'est tout le monde? Les chrétiens, les musulmans. La Oumma en soi, cette Oumma-là, comment on l'appelle? Le nom et la nom spécifique. Et Oumma, on l'avait dit la dernière fois. On a dit Oumma, Oummatan, Oumma Kaza, Oumma Kaza. Qui s'en rappelle? Aïwa, Wafani, Umma Telestijab. T'as la Umma de l'appel et t'as la Umma qui a répondu. Là, on parle de quelle Umma? Celle de l'appel. D'accord? Non. Taïb. Donc, crois en ces messagers, tous. Et à chaque fois, Jibril lui disait Sadakta. Tu as dit vrai. Tu as dit vrai. Ce qui surprenait les Sahaba. Après, il le dit, Fa'arbirni an al-Irsen, informe-moi de l'Irsen. Ce que nous, on traduit par excellence. Et ça peut être également bienfaisance quand c'est l'Irsen qui est entre les makhloukines. Quand tu es bienfaisant vers les gens, ça s'appelle Irsen en arabe. Et en français, on dira bienfaisance. Tu es quelqu'un de bienfaisant envers les gens, envers toi-même. Et l'excellence, d'accord, la traduction, elle est très bien comme traduction, c'est le niveau plus haut, c'est le fait d'adorer Allah de façon complète et parfaite. Comme encore le Ta'ala. Ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Oh, vous qui avez cru, craignez Allah comme il le mérite et ne mourrez qu'en étant en pleine soumission. Donc c'est que tu adores Allah comme si tu le voyais. Et ça, al-ihsan, l'excellence. C'est-à-dire quand tu fais salat, c'est comme si Allah, tu le voyais. Quand tu fais ton siyam, c'est comme si Allah, tu le voyais. Quand tu fais ta zakat, ton hajj, ta umrah, toute ta ibadat, comme si tu voyais Allah. Et crois-moi que si on avait ça en nous, cette excellence, l'adoration, elle serait parfaite, irréprochable. Il n'y aurait pas tous ces ridafs qui entre celui qui fait sa prière comme ça, celui qui fait comme ça, ouais, je fais comme mon père m'a appris, comme ma mère m'a appris, comme j'ai pris au village, ou comme le mazhabi dit. Non, tu adores Allah comme si tu le voyais. Crois-moi, quand tu voyais Allah, il n'y a plus de chumali qui touche à une balite. Tu ferais la salat comme il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, sallou comme araytumuni ou salli. Fais la salat comme vous m'avez vu moi la faire la salat. Et pas comme on te l'a appris de façon erronée. Maintenant, si on te l'a appris de façon correcte, alhamdoulilah, tant mieux pour toi. T'imagines, tu penses que Yom Al-Qiyama, tu vas être devant Allah Azza wa Jalla, on va dire, pourquoi t'as fait la salat comme ça? Oui, parce que l'imam Malik faisait comme ça. Tu penses que c'est une réponse qui va t'accepter ça? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Ou des gens vont dire, ouais, pourquoi tu fais ça comme ça? Parce que, ouais, mon grand-père m'a appris comme ça. Au village, c'est comme ça qu'on fait. Tu vois? Ça, c'est du inad, ça. Donc, celui qui fait preuve d'excellence dans sa ibada, croyez-moi qu'il est sur la sunna, et il est méticuleux, et il est minutieux autant que possible. D'accord? Après, bien sûr, on est, comme on écrit, faible, inattentif, on oublie très vite. Très, très vite. On ne s'en rend pas compte. Quand on fait salat, franchement, Bila Aleina, est-ce qu'on s'imagine qu'Allah est devant nous, on est en train de le voir? Non. Il est Yasha'Allah. Mais la plupart d'entre nous, c'est pas comme ça qu'on est. Même si on fait attention, c'est pas comme ça qu'on est. Et l'a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam au Sahaba, si vous étiez avec moi constamment, c'est-à-dire si vous étiez constamment comme dans le hell, vous êtes avec moi, les anges vous serraient la main dans les lieux de passage. Car des Sahaba, il s'appelle Hamzara, et Abu Bakr al-Siddiq, ils avaient dit au Nabi sallallahu alayhi wa sallam, nous sommes des hypocrites. Il a dit, comment ça? Il dit, quand on est avec toi, on se rappelle de tout, on se rappelle de la mort, de l'enfer, du Jannah, la foi, elle monte. Et dès qu'on retourne auprès de nos familles, Nassina, on rafalna. On oublie, tu vois, c'est comme si genre, tu ne dois pas parler, tu vois. Et il a dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, si jamais vous étiez avec moi, ou plutôt, vous étiez tout le temps, lorsque vous êtes avec moi, les anges vous serraient la main dans les passages. Cependant, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour le rappel en soi, intense, et un rappel pour t'occuper des choses dont tu as besoin dans ta famille, ta dounia, dans les choses. Et c'est sûr qu'à ce moment-là, ta foi abaisse. Ta foi abaisse. D'accord? Les choses qui t'éloignent du rappel, ça baisse, mais c'est on va dire, c'est des situations qui sont inévitables. D'accord? C'est pour ça qu'au moment où tu as un rappel, comme on dit, charge bien. Comme ça, quand tu auras des moments d'oubli, tu ne vas pas trop oublier. Alors imaginez-vous les gens qui ne sont jamais dans le rappel, comment ils sont. Tout en dans la dounia, dans la famille, dans les choses comme ça. Comment leur foi doit être très basse. Donc toi, quand tu as justement une foursa comme celle-ci, des durous ou des rappels ou autre, fais en sorte de, comme on dit, de charger un maximum. Car après, ça va redescendre. Donc plus tu auras, on va dire, chargé, moins tu auras de baisse, Inch'Allah Ta'ala. La baisse, elle est inévitable. Tu l'auras. D'ailleurs, ça va venir dans le Al-Iman, que l'Iman, hein, Al-Iman, c'est dans le prochain hadith, Yazid ou Yankos, la foi, elle monte et elle descend. La foi, elle monte et elle descend. Donc, entre autres, Adawal al-Ihsan. Que si jamais tu ne vois pas Allah et tu ne le vois pas, sache que lui te voit. Adi Usama bin Muraqaba. Tu es sous surveillance. Allah t'observe. Allah t'observe. Inna Allah la yarfi alayhi shay'un fil ardi wa la fis sama. Que Allah, il n'y a rien qui lui échappe dans les cieux et dans la terre. Tout ce que tu fais, il le voit. Donc, quand on se rappelle de ça, ça nous aide à nous tenir droit. Mais le problème, c'est que l'insan, il oublie. Très vite. Après, il a dit, Farbirni an al-sa'a, informe-moi de l'heure. Ey an qiyam al-sa'a, quand est-ce que l'heure, c'est-à-dire la fin des temps, elle va arriver. Et bien sûr, ce ilm, il n'y a que Allah Azza wa Jal qui le connaît. Donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit à ce questionnaire, je n'en sais pas plus que toi, en fait, en gros. Et ce questionnaire lui a dit, donne-moi au moins des signes, précurseurs de cette heure. Et les signes, t'en as des grands, t'en as des petits. Parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a cité, ce ne sont que des petits. Et il a dit, lorsque tu verras, l'ama talid rabbataha, quand tu verras la femme esclave mettre au monde sa maîtresse. Ça, il y a deux ta'wil, deux explications par rapport à ça. Il y en a un, c'est il y aura tellement de guerres, que dans un temps, il y aura beaucoup de guerres, et que les muslimounes prendront des captifs, entre autres des captives, d'accord ? Et la captive, quand elle t'appartient, tu peux avoir des rapports avec elle. Donc toi, tu es libre, si tu es un musulman, tu as un rapport avec ta captive, qui est peut-être mushrika, ou autre, elle sera enceinte, elle mettra au monde une enfant, cet enfant sera ce qu'on appelle Umel Walad. C'est l'enfant d'une femme esclave dont le maître est libre. Donc l'enfant va naître libre, il sera le maître de sa mère. D'accord ? Il sera maître de sa mère. Et l'autre version, c'est que c'est dans Soutarbiya que les enfants, on peut dire à Fouen, que les parents éduquent tellement moins les enfants que les enfants vont se mettre à dominer leurs parents. Et ça, là, chez, on le voit aujourd'hui. Que tu vois que ce sont les enfants qui dominent dans la maison, qui parlent mal, qui donnent des ordres, qui dirigent tout. Tu vois, les parents, ils sont Shib Mustaslimin et Auladihim, presque soumis à leurs enfants. D'accord ? Quant à l'autre Ta'wil, on n'a pas encore vu. Il n'est pas encore vu, mais l'autre, on le voit. Tous les jours, on voit qu'aujourd'hui, les enfants sont une génération de pourris gâtés qui dominent leurs parents, malheureusement. Et il a dit que tu vois les va-nu-pieds, gens dénudés, c'est-à-dire tellement ils sont pauvres, qui n'ont pas de chaussures, qui n'ont pas de vêtements, d'accord, et qui sont des gens qui sont des bergers de troupeaux. À la base, là, il y a Takalem Anel Arab, les bédouins, les gens des campagnes. Que ces gens-là vont arriver à un stade, ils auront tellement de dunya qu'ils vont commencer à se concurrencer dans les, dans la bâtisse d'édifices. Et Hada, Shahid al-Yom, on le voit dans les pays, par exemple, du Golfe arabe, vous voyez dans des pays comme le Koweït, comme le Qatar, l'Arabie Saoudite, les Émirats, vous voyez comment la dunya s'est déployée devant eux. À la base, ces gens-là, c'est des bédouins. D'accord ? Et maintenant, ils construisent les plus hautes tours, elles sont chez eux, elles sont plus à Manhattan. Elles sont chez les Arabes maintenant. D'accord ? Et le projet le plus haut tour qu'il y a va être à Riyad, en Arabie Saoudite. Donc ce hadith est Dalaïl al-Nubuwa, parmi les preuves de la prophétie, car cela se produit actuellement aujourd'hui. D'accord ? Donc quand tu verras tout ça, dans le sens, ce sont des signes précurseurs de l'heure. D'ailleurs, la venue du Nabi sallallahu alayhi wa sallam est un signe précurseur de l'heure. Il a dit Bu'istu ana wa sa'aka hatayn. J'étais envoyé moi et l'heure. Comme ces deux-là, comme l'index et le majeur. Et pourtant, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est envoyé il y a 1400 ans, 1446 ans. Et pourtant, il est parmi les signes de la proximité de l'heure. Donc on ne s'en rend pas compte, l'heure, elle est très proche. Très très proche. Puis, Jibril, que nous on sait, mais qu'eux ne savaient pas encore à ce moment-là, s'en est allé. Wahuna, il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam à Omar, c'est tu qui es le questionnaire. Et là, il a dit « Allahu wa rasoulu wa alam ». Et ça, ce qui est le comportement à avoir quand on ne connaît pas une chose qui est touchée à la religion, c'est de dire « Allahu alam » à notre époque. On ne dit plus « Allahu wa rasoulu wa alam » parce que le Nabi Sami n'est plus là. D'accord ? C'est vrai qu'il est « alam », alors qu'il n'y a plus d'intérêt à dire cela. Donc on dit « Allahu alam ». Vous voyez ? On dit « Allahu alam » quand il ne savait pas qui il était. Et après, c'est là que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a enseigné en disant « Fainna Jibril » C'est Jibril qui est venu pour vous enseigner votre religion à travers questions-réponses. Yaqul fi fawaid al-hadith. Bayan husn khuluq an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa annahu yajlisu ma ashabihi wa yajlisuna ilayhi. Ce qui montre le bon comportement du Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui s'asseyait, il était tenu compagnie à ses compagnons et qu'eux-mêmes s'asseyaient avec lui. Ils passaient du temps ensemble. ثانيا تحسين الثياب والهيئه والنظافه عند دخول العلماء والفضلاء والملوك qu'il faut bien s'habiller parce que c'est propre, c'est un bon comportement lorsqu'on se rend près des ulama, des gens de mérite et même aux gens de pouvoir, gouverneurs et autres. Tu viens pas habillé comme je ne sais quoi, d'accord. ثالثا ان الملائكه عليهم السلام يمكن ان يتشكلوا بغير اشكال الملائكه, que les anges ont la particularité de pouvoir changer d'apparence. Donc Jibril qui est venu sous la forme humaine, d'un être humain. Ça, rabi'an, al-adab ma'al-mu'allim fil-julus, amamah jalsa al-muta'addab li yakhudha minhu. Qu'on voit le comportement que l'étudiant doit avoir envers son enseignant, on va dire l'apprenti envers son enseignant, d'une assise, on va dire, respectable, afin de pouvoir entendre de lui. Alors, c'est pas demain, tu vas dans un ders, et t'es assis comme ça, affalé, les jambes, ça va pas passer. D'accord. C'est pas haram en soi, mais ça manque de respect envers ton enseignant. Par exemple, je m'en rappelle au tout début, quand on était au Yémen, il y avait des frères qui étaient arrivés. On était à Shihr, encore au début, chez Abdallah Malay, c'était avant qu'il se passe ce qui s'est passé. Je me rappelle, il donnait un ders le matin après le Fajr. C'est vrai qu'il était très très chaud là-bas. Voilà, c'était Hajib. C'est tout le monde arrivé, donc nous on ne connaissait pas ça encore. Et un groupe de frères de France est arrivé de nouveau, la veille. Et il y avait des gros ventilateurs devant nous. On était assis auprès du Shir. Enfin, maintenant, pour moi, c'est plus un Shir, cet homme-là, mais à l'époque, c'était le Shir, tu vois. Il faisait un ders. Ders, c'était quoi? C'était assis à la Sardi, après le Fajr. Et les nouveaux arrivés la veille, il y en avait un qui était parti sur la droite. Il s'est mis devant un ventilateur, il s'est assis, il s'est allongé par terre, il était comme ça. Les jambes écartées, les bras écartés et tout. Parlant de ders, tout le monde le regardait. Il savait pas, il faisait pas exprès. Mais c'est vrai que t'es là devant un chien qui te parle, fait un ders, tu vois, au loin, un frère qui a affalé par terre et tout devant le ventilateur. On se dit, mais ce qu'il a, bon, après on a fait le tambi, il s'est rectifié. Mais ce moment, voilà quoi. Thumma yaqul fadilat al-islam wa annahu yanbaghi an yakuna awwal ma yus'alu anhu. Ce qui montre le mérite de l'islam et que c'est la première chose au sujet de laquelle on doit interroger. L'islam, qu'est-ce que l'islam? Les gens, quand tu entends l'islam, il faut leur dire c'est quoi l'islam. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens se disent je suis musulman, mais quand tu l'interroges, tu te rends compte en fait, c'est quoi l'islam. C'est un héritage qu'il a eu de ses parents, c'est folklorique, c'est traditionnel, c'est pas dogmatique, d'accord? C'est pas scientifique, c'est suivi comme ça. Comme mon père, il était, je le suis. Comme je viens de tel pays, je le suis. Donc ça, c'est pas ancré. Justement, ces gens-là, dans la tombe, on craint qu'ils ne répondent pas correctement. Ces gens-là, on craint pour eux que le jour où ils voient le Dajjal qui vienne, ils n'arrivent pas à savoir qui il est. Pourquoi? Parce que leur islam, il est juste, il n'est pas basé sur la croyance authentique. Il a été pris comme ça. Yaqul sadisan anna arkan al-islam khamsa wa a'zamaha al-tawhid wa man jadaha minaha wahidan fa huwa kafir. Et que les piliers de l'islam sont de 5, et que le plus grand des piliers c'est le tawhid, et que celui qui renie l'un de ces piliers, c'est-à-dire qu'il voit que c'est pas un pays de l'islam, c'est pas obligatoire ni rien, lui c'est un kafir. Sabi'an anna iqam as-salat wa ita az-zakat wa soum ramadan wa hajj al-bayt min arkan al-islam. Et que accomplir la salat, s'acquitter de la zakat, faire le siyam de ramadan, faire le hajj sont des piliers de l'islam. Thaminan anna al-islam wa al-iman idha afrada bi-dhikr fala farqa baynahuma wa in qurrina baynahuma fal-islam ism lima dhahara min al-a'mal wal iman ism lima batana min al-i'tiqad. Ça, c'est une question que je pose souvent. Quelle est la différence entre l'islam et l'iman? Et quel est leur lien? Ouais. Quelle est la différence entre l'islam et l'iman? Et quel est leur lien? L'iman, c'est la foi. Oui, mais entre autres. C'est quoi la différence entre l'islam et l'iman? L'islam, c'est des choses qu'il y a dans le cœur. Apparent, pardon. Arsène. L'iman, c'est. Chose intérieure. Voilà. Et quand un est cité, d'accord, il regroupe les deux sens. L'iman, c'est l'islam. L'islam, c'est l'iman. Et quand on les cite ensemble, ils ont chacun un sens différent. C'est que l'islam, c'est ce qui est apparent, et l'iman, c'est ce qui est intérieur. Tasi'an, an arkan al-iman sita. وأعظمها لمن بالله ومن أنكر منها واحدا فهو كافر. Et que les piliers de la foi sont de 6. Et que le plus grand de ces piliers, c'est la foi en Allah. Complète. Pas dire je crois en Allah seulement. Savoir qu'est-ce que ça veut dire de croire en Allah. Qu'est-ce que ça implique. Et que celui qui renie une chose de ces piliers, c'est un kafir. عاشرا إثبات الملائكة ووجوب الإيمان بهم وبجميع الرسل وبجميع الكتب المنزلة. Ce qui affirme l'existence des anges, qu'on doit croire en eux, qu'on doit croire en tous les messagers, en tous les livres qui ont été révélés. ثاني عشر إثبات اليوم الآخر الذي هو يوم القيامة. Cela affirme le jour dernier qu'on appelle le jour de la résurrection. ثالث عشر وجوب الإيمان بالقدر, l'obligation de croire au destin. رابع عشر أن السائل إذا سأل عن شيء يعلمه من أجل يعلمه أيوة نعم يعلمه من أجل أن ينتفع الآخرون فإنه يكون معلما لهم. Et que le questionneur non يعلمه يعلمه نعم lorsqu'il interroge à propos d'une chose que lui-même connaît déjà de base, en fait il est considéré comme étant un enseignant pour les autres. Quelqu'un qui connaît une chose et questionne quelqu'un devant tout le monde, mais il connaît la réponse, mais en but, dans le but que cette réponse soit citée devant les autres. Et bien lui, en fait, même si tu crois qu'il ne connaît pas, il connaît, c'est un enseignant à ce moment-là. C'est un procédé d'enseignement. خمس عشر أن الساعة من الأمور التي استأثر الله بعلمها ولا علامات تدل على قربها. Et que l'heure, parmi les choses que Allah Azawajal a gardées auprès de lui, c'est un secret, mais qu'elle a des signes. D'accord ? Beaucoup de signes. Et qu'elle est proche. Ces signes indiquent sa proximité. سادس عشر أن الإيمان والإسلام والإحسان تسمى كلها دينا. Et que l'Iman, l'Islam et l'Ihsan, tous se nomment din. Tout cela, on le nomme din. Ça en fait partie, ce sont des différents échelons. C'est-à-dire que le plus bas, c'est l'Islam. Bien après, l'Iman. Bien après, l'Ihsan. Ça veut dire, quand on redescend, le Mursin, celui qui est l'Ihsan. D'accord ? Il est forcément un mu'min. Et qui plus est, un muslim. Et que le mu'min est forcément un muslim. Mais quand on remonte, un muslim n'est pas forcément mu'min. Par exemple, le munafiq, c'est un muslim. En ce bas monde, on le traite comme un muslim en apparent. Pourtant, son cœur, il n'a pas la foi. Alors encore moins l'excellence. D'accord ? سابع عشر أن المرأة يترك الخوض في الأمور التي ليس عنده علم بها. Et que la personne ne va pas s'aventurer à aborder des sujets dont on n'a pas le savoir. كما قال تعالى ولا تكفوا ما ليس لك به علم. Ne cherche pas ce dont tu n'as pas de savoir. Donc que chacun reste au niveau qu'Allah Azza wa Jalla lui a accordé. Il n'y a aucune honte en cela. Mais la honte, c'est de parler en religion sans science et d'en arriver à se perdre et à perdre les autres pour s'être aventuré dans un domaine inconnu. Donc quand tu n'as pas d'ilm, c'est tout à ton honneur de te taire, de dire Allah a'lam. Thamin achar, anna min alamat al-sa'ati an tufta' al-dunya ala ahl al-badiyah wal-faqah wa kathrat al-sarari. Et que parmi les signes de l'heure, que la dunya va se déployer devant les gens des campagnes, des gens pauvres, et qu'il y aura beaucoup de captifs. Et ça sera par rapport au combat qu'il y aura entre les muslimines et les koufars. Naam. Donc ça, c'était le 12e hadith. Al-Anakhouz al-Thalith Achar. 13e. On voit Kassir. Donc le titre, Al-Unwan, Al-Iman, Qawlun, Wa'amalun, Wa'atikadun. Comme on disait tout à l'heure, la foi. Là, maintenant, ça parle de la foi en soi. La foi en soi. La foi, c'est parole, acte, croyance. D'accord, ces trois-là. Et des fois, des ulama disent qawl wa amal. Ils disent deux choses seulement. Ils disent qawl wa amal. C'est quel qawl ? Qawl du cœur et qawl de la langue. D'accord ? Ils mettent les deux ensemble. Et amal à côté. Troisième. Mais il n'y a pas de différence. Il y en a, ils vont dire, ouais, il y en a 10, 3, 2, il y en a 10, 2. Il y en a 10, 2, parce qu'ils ont réuni deux ensemble. C'est comme le tawhid. Il y en a, ils ont divisé en deux. Mais ces deux-là réunissent les trois, en fait. Et les trois sont plus clairs et plus faciles à retenir. C'est des istilaha, des terminologies. D'accord ? Les choses qui sont arrivées par la suite, c'est pas une chose que le Nabi Sallam l'a dit la fois, elle est en trois, kaza et kaza et kaza. C'est des choses qui sont déduites des textes. T'en sors pas. Quand tu lis les textes, tu dis ça arrive à ça en fait. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بدع وسبعون أو بدع وستون شعبة أفضل فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان رواه مسلم. Selon Abu Huraira, il a dit النبي صلى الله عليه وسلم que la foi est d'une soixante-dizaine ou soixantaine de branches. Bid'a, quand on dit bid'a, à la base, c'est une dizaine de quelque chose. Donc c'est soixante dizaine de branches. La meilleure, c'est le fait de dire « La ilaha illallah ». Et la branche la plus basse, c'est le fait d'ôter un obstacle du passage. Et il a dit « Wal haya shurbatun min al-iman » et que la pudeur est une branche de la foi. En premier lieu, bon, Abu Huraira, on a déjà parlé sur lui auparavant, alhamdulillah, hatta man ta'akhar fi hadha. Al-Iman, lughatan wa tasdiq wa al-ikrar. Al-Iman, en langue arabe, c'est le fait de croire quelque chose et de l'admettre. Car croire seul ne suffit pas. Il faut également admettre. ودليل ذلك هو ما كان عليه أبو طالب لأن أبو طالب كان يؤمن بابن أخيه. أبو طالب croyait en son neveu. Mais est-ce qu'il l'a admis? أبو طالب il croyait en محمد صلى الله عليه وسلم. Mais est-ce qu'il l'a admis sa religion? Il l'a pas admis. Vous voyez? Donc c'est le fait également d'admettre. T'as des gens ils vont dire Salen Héracle, celui qui était un César. Il avait dit, après qu'il a interrogé Abu Sofyan, alors que c'était encore un mouchlik à l'époque, il a interrogé sur le Nabi, ça donne plein de questions. Voilà la réponse qui allait venir. Et à la fin de l'interrogatoire, il a dit, si ce que tu dis là est vrai, cet homme-là va venir, il va posséder ce qu'il y a sous mes pieds là. Et s'il venait devant moi, je lui laverais les pieds. C'est-à-dire que César, César à l'époque, César c'est pas un prénom, c'est un statut. Comme Négus, Najashi, ou comme Pharaon, c'est pas des prénoms. D'accord? C'est les statues, ce sont les rois, c'était les rois des Romains. Il a dit, c'est cet homme-là, en fait, il a cru que c'était un prophète pour de vrai. L'homme que tu m'as décrit là, c'est un prophète. D'accord? Cependant, est-ce qu'il a suivi? Non. Donc il n'a pas eu l'iman. Il a cru en lui, mais il n'a pas admis. En plus, il a dit lui-même. Pourquoi il n'a pas admis? Il a dit, mais je suis, je perds toute ma dunya. Et beaucoup de gens, c'est ça. Quand tu leur parles de l'islam, tu leur parles de Mohammed, ils disent, rien à dire. Mais non. Parce que si jamais je rentre dans cette religion-là, j'ai privé trop de choses que j'ai. Donc c'est-à-dire, comme a dit Allah, ça c'est du fait qu'ils ont préféré ce bas monde à l'au-delà et que Allah ne guide pas un peuple de mécréants. Donc t'as des gens, t'en as plein, l'islam. Ils disent, c'est ça. J'y crois. Mais je suis pas prêt à payer le prix, en fait. Je ne vais pas perdre tous ces plaisirs de ce bas monde, parce que si j'entends les sommes, je vais perdre tout ça. Je n'aurai plus le droit de faire ça. Je me rappelle à l'époque, il y avait un de mes collègues, on faisait Darwa, mais de toute façon, à l'époque, on n'était pas. Voilà quoi. Il a dit hey, votre religion, moi, j'ai rien à dire, mais je ne peux pas pour deux choses. Il a dit quoi? Le porc et les femmes. Je ne pourrais pas arrêter le porc, et j'aime trop les femmes. Et ça, c'est un entier, donc c'est. Voilà quoi. La réputation est à la hauteur. Surtout, il s'est converti entre-temps. Je lui dis ça, c'était il y a longtemps. Entre-temps, Allah Alem. Mais il a dit... Non, il n'a pas parlé d'alcool. Il a dit, moi, les femmes et le porc, je ne peux pas. Rien que pour ça, je ne pourrais pas rentrer en islam. Il y en avait un pareil. Il avait parlé d'islam, un ami à moi, à l'époque. Il m'a dit, franchement, c'est une belle religion, mais il a dit, je ne peux pas arrêter la musique. Bon, à l'époque, je n'ai pas eu le fait de lui dire, écoute de la musique, rentre en islam, c'est pas grave. À l'époque, on était trop... Non, la musique, c'est haram, c'est pas le plus important à son niveau. Tu vois, appelle-le à ce qui est le meilleur pour lui, la musique, il arrêtera plus tard. Nous, on n'était pas comme ça. On était fougueux et on était bêtes. Donc, on a fait beaucoup de dégâts, malheureusement. Quoi qu'il en soit, elle a dit, là, j'aime trop la musique. Ouais. Mais ils savaient. T'as des gens, ils savent qu'en tant qu'islam, il y a des choses, il faut que t'arrêtes. Tu vois. Il dit, si je rentre en islam, c'est entièrement. Et comme je dis que je ne vais pas arrêter ça, eh ben je ne rentre pas en islam. Tu vois. Et en fait, ces gens-là, il faut leur expliquer, pas lui dire c'est bien ce que tu fais, dis, ça c'est pas le plus important. Rentre en islam et tu verras par la suite, si tu es sincère, tu vas arrêter tout seul ce truc-là. Tu vois. Te bloque pas à cause de ça. Rentre en islam déjà. Tu vois. Quand tu vas faire les salawat et tout, tu vas commencer à apprendre de toi-même ces choses-là, tu verras qu'elles te nuisent et tu vas tellement aimer l'imam, tu vois que ça te freine dans ta foi que tu vas arrêter. Dans toute chose dans laquelle tu t'investis, tout ce qui fait obstacle, tu vas arrêter. Des fois, tu as des gens, quand on faisait Talab al-Ilm au Yémen, ils disaient, ouais, mais vous faites comment pour travailler, kada et kada. Je suis rentre dans les doulous, tu verras que le jour où on te dit un travail, tu dis, j'ai pas envie. Ça empêche de réviser, ça empêche de faire ça. Viens, apprends. Et tu vois de toi-même que, quoi qu'on te propose, ça va te tirer râle, tu dis, j'ai pas envie, en fait. Tu vois. Et pareil, même dans la dounia, tu as des gens, ils ont un truc, ils sont investis. Hein, tu dis, viens, on va faire ça. Non, j'ai pas le temps, j'ai ça à faire là, je suis motivé et ça va m'empêcher de m'investir. Ça, c'est universel. Donc, dis aux gens, quand ils ont des problèmes comme ça, j'ai telle et telle chose, j'arrive pas à arrêter, on dit, rentre en islam, apprends, applique, avance, et tu verras que cette chose-là, si t'es sincère, de toi-même, tu vas l'arrêter. Toi-même, tu vas l'arrêter. Faut qu'on fasse attention à la fougue des débutants. Quand on est débutant, on veut que tout le monde rentre en islam, mais on n'arrive pas à admettre que les gens, ils n'acceptent pas. Et on fait beaucoup de dégâts, malheureusement. Allah, qu'Allah nous pardonne. D'accord. Après, Tayyib, Wal-Iman, Istirahan, Wal-Nisharan, c'est Yazid, Wakol, Taban, Wa-Amel, Wa-Ertikad, Yazid, Wienkos, Yazid, Bita'a, Wienkos, Vil-Marsiya. Que la foi, c'est croyance, parole et acte. Cette foi, elle monte avec les bonnes actions et elle descend avec les mauvaises. Ou voire même, elle descend si les bonnes actions ne sont pas là. Il se faut que des fois, tu ne fasses pas forcément de péché en soi, mais comme tu as un manque dans ton application, et ben, ta foi, elle descend. Pour vous dire. Alors que dire, si tu ajoutes à cela des péchés, c'est la chute. D'accord, c'est la chute. Ou tu te donnes du rappel, tu descends, comme je disais tout à l'heure. Ça se décharge. Donc là, si on voit dans ce hadith, ça revient à ce que les ulama, ils ont déduit, trois choses. Awalen, les actes de la langue, les actes des membres, les actes du cœur. Acte de la langue, il a dit qaul la ilaha illallah. Le fait de dire la ilaha illallah. Quelqu'un qui dit la ilaha illallah à Muhammad Rasulullah, il rentre en islam direct. C'est ça, son entrée en islam, c'est prononcer les deux attestations. Ça, c'est bilisan. Et bien sûr, il y a le cœur qui va avec. Que la ilaha illallah, il a un sens. Donc, tu as une articote qui va avec. Mais c'est un call. Et c'est toutes les paroles que tu vas dire en islam, les bonnes paroles. Deuxième, wadnaha imatatul azar netaliq, le fait d'ôter les choses qui dérangent dans le passage. D'où le jour, on disait qu'un éboueur était plus profitable qu'un footballeur. Le footballeur, lui, il obstrue le passage, les boueurs lui dégagent le passage. D'ailleurs, les éboueurs, ils travaillent après un match de foot, ils arrivent au travail. N'est-ce pas? Qu'on voit les rues dans lesquelles elles sont mises, les boueurs, ils travaillent derrière. Imaginez-vous, après un match de foot, il n'y a pas d'éboueur. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui se passera dans la rue? Il n'y a pas d'éboueur, pas de nettoyeur. Vous allez trouver quoi dans la rue? Ça va être le chaos. Donc, voilà, les boueurs, on a besoin de lui. Hein. On a besoin de lui, c'est un travail qui est noble. Après, il faut le faire dans les bonnes conditions, auprès des bonnes personnes. Donc, imagine-toi les boueurs, yartasib al-ajr min Allah azza wa jalla fi 'amalihi, fa huwa ma'jur. Les boueurs, ils recherchent la récompense auprès d'Allah dans ce qu'il fait comme travail, il est récompensé. Il dit, je travaille pour ma dunya parce que j'ai un salaire, et en même temps, j'ôte le passage, les choses qui dérangent dans le passage. Il a dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dakhala rajulun al-jannah, tayyib, hazafa shajara, kanat tamna al-muslimin min al-murur. Qu'un homme est rentré au paradis, qu'elle avait enlevé un arbre qui dérangeait les musulmans sur le passage. Alors imagine-toi un éboueur, tout ce qu'il fait. Tout ce qu'il fait. Et je mets l'artisep dans ce qu'il fait, il a du âge dans son travail. C'est un travail, c'est une ibad en même temps. Et c'est le minimum de la foi. Adna min al-iman. Donc ça, c'est quoi des actes? Des membres. Donc premier, on a dit acte, la langue, c'est le call de la ilaha illallah. Deuxième, acte des membres, ôter les choses qui dérangent sur le passage. Et le troisième, wal-haya, la pudeur. Et le haya, c'est quoi? C'est dans le cœur. C'est un acte intérieur qui ressort à travers les actes. Le haya, c'est un sentiment que tu as en toi qui t'empêche de faire des choses honteuses. C'est une barrière. D'accord ? Et cette haya, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la ya'ti ila bil khayr. Une personne pudique ne vient qu'avec du bien. Il ne faut jamais blâmer une personne qui est pudique. C'est une très bonne qualité. Et elle est encore plus belle quand elle est chez la femme. D'accord ? Surtout chez la femme. Car la valeur d'une femme dans sa pudeur. Principalement. Et aujourd'hui, malheureusement, la pudeur, elle est quasiment inexistante. Chez les hommes comme chez les femmes. Chez l'être humain. Les gens n'ont plus honte de rien. Ils font tout ce qu'ils veulent sans vergogne, sans scrupule. Malheureusement, ils ne se cachent même plus dans ce qu'ils font. Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Si jamais tu n'as pas de gêne, fais ce que tu veux. » Les gens qui n'ont pas de gêne, ils font ce qu'ils veulent. Comment ils s'habillent, comment ils parlent, et leur façon d'être. Ils n'ont pas de gêne. Taïeb. Donc là, on voit, taïeb, dans ce hadith, comme on l'a dit, bil-istiqra wa tatabbur, que la foi, c'est trois choses. Acte du cœur. Acte du cœur. Du cœur des membres. Des membres. Et la parole. Non, la parole. Donc les actes des membres font intégrement partie de la foi. La foi, c'est pas que dans le cœur. La foi, c'est dans le cœur, la langue, dans les actes. C'est un tout. D'accord ? C'est un tout. فوائد الحديث لفوائد الحديث ونكمل بهذا أن الإيمان قول وعمل واعتقاد لا يجزى واحد من الثلاث إلا من الثلاثة إلا بالآخر que la foi c'est parole, acte et croyance et que aucun ne peut compenser l'autre sans la présence de son équivalent. Ça veut dire que tu as la parole, ta parole ne sera pas suffisante si tu n'as pas les actes et la croyance. La croyance, si tu n'as pas la parole, les actes, ça ne suffira pas. Pour être complet, il faut que tu aies les trois. ثانياً أن الإيمان يتفاضل ويزيد وينقص وأن المؤمنين يتباينون في درجاته. Et que la foi, elle varie. Elle peut être haute, elle peut être basse. Et même que les croyants eux-mêmes sont de différents niveaux. Certains croyants sont plus forts que d'autres. Il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam أن المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. Que le croyant fort est plus aimé auprès d'Allah que le croyant faible, mais que les deux ont du bien, car les deux sont les croyants. Donc tout le monde n'a pas la même foi. Cette foi-là, pour avoir une foi haute, il faut l'entretenir, il faut l'alimenter. Par quoi ? Par les actes, par l'obéissance, par le rappel, par le ilm, et ce genre de choses. Sans quoi, bah, tu seras... Malheureusement, tu peux arriver au stade de quoi ? Comme dans le hadith de Jibril, Marhala al-Oula. La plus basse, c'est quoi ? Mujarad muslim. T'es un simple musulman. T'as pas encore atteint le stade de l'Iman et on commence à oublier l'Irsen. Donc ça prouve que ce hadith-là complète le premier, qui a des darajat. Thalithan bayyana 'azm sha'n al-haya wa annahu yahmil 'ala al-qiyam bi baqiyat shu'ab al-iman. Ça montre la grande place qu'occupe la pudeur et que cette pudeur elle-même aide à pouvoir tenir les autres branches de la foi. رابعا أن طرح الشوك في الطريق والحجارة والكناسة والمياه المفسدة للطرق وكل ما يؤدي الناس تخشى العقوبة عليه في الدنيا والآخرة. Et que le fait de poser des épines, des pierres. Là il dit kinasa, je sais pas ce qu'il veut dire par là. Ou des eaux. Par exemple, les eaux usées. Et chez toi, par exemple, bon, s'il n'y a pas trop en France, mais par exemple, comme au Yémen, on a ce qu'on appelle des beyaras, c'est les fosses septiques. Tu les laisses déborder, ça coule dans les rues, tout ça. C'est contre la foi. Tu nuis aux gens dans cela. Donc, toutes les choses qui nuisent aux gens dans leur passage, on craint pour eux d'une punition dans ce bas monde de l'Andola, parce que ça, c'est le niveau le plus bas de la foi. Imaginez-vous les gens là, avec leurs chiens, là, ce qu'ils font là par terre, là. Même s'ils ramassent. Hein. Ou plein de choses qui se font. D'accord ? Qui se font par terre, qui nuisent aux gens. Et bien ça, c'est les choses qui contredisent le niveau le plus bas de la foi. Le fait de boire, t'as bu ta canette, tu la jettes par terre. Là, tu t'es mouché, ton mouchoir, tu jettes par terre. Là, tu le prends, poubelle. La poubelle est là pour ça, tu jettes poubelle. C'est un truc très simple à faire. Un envoie, hein. Il y a un hadith qui est venu, mais il est faible. Elle n'en va pas mener l'imène. La propreté fait partie de la foi. Le hadith, il est faible en soi. Mais le marna est sahih. Il y a un nabi sallallahu alayhi wa sallam qui allait. Que la purification, c'est la moitié de la foi. Être pur, purifié. Et qui dit purifié, veut dire purifié en soi. Par tout ce qui est wudu, rousse, le autre. Et également être propre. D'accord ? Être propre également. Non. Fa'ad al-ladhi khadna al-yum min hadin hadithayn. نكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين